This marks the ending of our time together for this retreat. And I'd like to thank the organizers for having invited me to come here to have this opportunity to share the Dhamma. Donc ceci marque la fin de notre temps ensemble au cours de cette retraite. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité et de me donner la chance de partager le Dhamma. Sans les volontaires qui ont aidé à soutenir la retraite et sans les yogis qui ont accepté de donner leur temps pour pratiquer, cette retraite n'aurait pas été possible. Les enseignements du Dhamma que j'ai donnés au cours de cette retraite, que j'ai partagés, proviennent tous de mes professeurs, de mon professeur, Sayadaw Upandita, qui lui-même a basé tout son enseignement sur l'enseignement du Bouddha et sur celui du vénérable Mahasi Sayadaw. Donc les enseignements que j'ai donnés ne viennent vraiment pas de moi. Ce sont des discours que j'ai entendus ou que j'ai traduits. Et ce sont mes professeurs qui les ont donnés le mieux donnés. Et c'est avant eux, c'est le Bouddha qui les a le mieux donnés. J'ai tenté de les reproduire, de les partager. Et la plupart de ces enseignements, en fait, ont été donnés en birman et donc ne sont pas accessibles en français ou en anglais. La plupart donc proviennent de mon professeur Sayadaw Upandita. Le dernier enseignement, le dernier discours que j'ai donné provenait de Molmain Sayadaw, un autre Sayadaw qui lui-même s'était basé sur un enseignement donné par Mahasi Sayadaw. Et donc, ces enseignements étant donnés en birman, j'essaye de me concentrer spécifiquement sur ceux-là en me disant qu'ils ne sont probablement pas accessibles à un public anglophone ou francophone. Si j'ai dit des erreurs, si j'ai fait des fautes, ce n'est pas de la faute du Bouddha, ce n'est pas de la faute des professeurs, c'est vraiment uniquement de ma faute à moi. Donc s'il vous plaît, excusez mes erreurs éventuelles. Le Dhamma est un don précieux, il est incomparable. Et lorsqu'on reçoit un tel don, il faut se demander ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va le mettre sur une étagère pour le regarder de temps à autre? Est-ce qu'on devrait laisser ce Dhamma qu'on a reçu au centre afin de ne pas s'encombrer de trop de choses en quittant le centre? Ou est-ce qu'on devrait l'emporter avec nous? Le don du Dhamma devrait être utilisé, donc prenez-le avec vous, emportez-le et utilisez-le chaque jour. Ce type de don, à l'inverse des dons matériels qui s'usent et qui se brisent finalement, ne fait que bonifier au plus on l'utilise. Donc utilisez-le tous les jours. J'espère que vous serez tous en mesure de retirer un maximum de bénéfices du Dhamma, de ce don du Dhamma. Et j'espère que vous serez en mesure de recevoir la paix du Nibbana. Je voudrais encore ajouter quelque chose. La pratique de Metta Bhavana, telle qu'on la pratique ici le matin et le soir, est très utile pour la vie de tous les jours et rend la vie très malléable, modelable. Elle améliore nos relations à la maison et au travail, ou quel que soit l'endroit où l'on se trouve, elle rend les relations plus faciles. La pratique de Vipassana aussi est très utile pour pratiquer dans la vie quotidienne, et donc on devrait utiliser ces deux pratiques tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sadhu, sadhu, sadhu. I just will add one more thing. The practice of Metta Bhavana in the way that we do it today, one time in the morning or in the evening, is very useful for making our lives more workable. It, just us, even that much can help to make our relationships at home, at work, and wherever we are easier. And then the Vipassana practice also. So these two things are important to do every day to the extent that you can. So that's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.